chassade. Je connaissais peu de tes passages de jean. Grâce au beatbeater, j'applique désormais partie. Appelle-moi ta tête, c'est une tonique. Pas de jean.